Chapitre 3e. Les deux traversées. On s'embarqua à Dumbarton, mais à peine la flotte qui servait de cortège à la reine d'Écosse fut-elle éloignée des côtes, que le vent souffla avec violence, et que les navires, secoués sur les vagues, craquèrent et menacèrent de se briser. La petite reine pensa plus que jamais alors à la sinistre vision. Évidemment, le démon du lac la poursuivait, et les flots devaient lui être funestes. Joignant les mains et priant avec ferveur, la fille de Jacques V supplia le mauvais génie de Montez d'épargner ses compagnons et de ne frapper que sur elle. Cette prière, qui partait d'un cœur pur, monta au ciel à travers les nuées amoncelées. Un vent rapide poussa la flotte vers les rives de France, et le lundi 20 août 1548, le vaisseau qui portait Marie Stuart aborda, ou plutôt vint échouer à la pointe de la baie de Morlaix, dans un repère de contrebandiers et de corsaires au port de Roscoff. Ce n'était pas assez de présager. L'influence du Kelpie semblait poursuivre Marie jusque dans le pays où elle devait régner. Comme elle sortait en grande pompe de l'église Notre-Dame de Morlaix, où le Tédéum avait été chanté, et comme elle franchissait la porte de la ville appelée Porte de la Prison, le pont-levis creva et tomba dans la rivière. Les Écossais crièrent à la trahison. Mais, ainsi que le dit le chroniqueur, le seigneur de Rouen, qui marchait à pied près de la litière de sa majesté, leur cria à pleine tête « Jamais Breton ne fit trahison ». Et les deux jours que la reine demeura pour se délasser de la fatigue de la mer, il fit dégonter toutes les portes de la ville et rompre les chaînes des ponts. Marie Stuart oublia bientôt à Saint-Germain-en-Laye les adieux du démon de Montez et les augures de son voyage. Elle passa là quelques années heureuses dans un tourbillon continuel de chasses, de fêtes, de danses, de concerts. Ardente comme elle était déjà au monastère d'Inchmahom, la petite reine se livrait au plaisir avec un entraînement inouï. Toute cette cour étincelante des Valois, dont Catherine de Médicis était l'ombre, enivrait Marie et rayonnait de sa jeunesse, de sa beauté précoce, de son esprit. Ronsard, Joachim du Bellay, Amadis Jamine, tous les poètes ravageaient pour elle le Parnasse et lui faisaient une litière de roses et de lys qu'elle foulait en riant. Les causes froides et brumeuses étaient bien oubliées parfois, et quand, du haut de la terrasse de Saint-Germain, elle regardait la Seine dérouler son écharpe, ou bien, quand elle parcourait, dans une barque dorée et pavoisée, l'étang de Fontainebleau, la fille de Jacques V ne songeait guère au lugubre Kelpie. Les naïades de France faisaient étinceler tant de perles dans leurs ébats joyeux qu'on ne pouvait se rappeler, en présence de ces flots charmants, les eaux profondes de Montez. C'était toujours une divinité jeune et belle, assise dans une conque nacrée que l'on cherchait sous les nappes argentées des rivières et non plus le centaure hideux qui avait reçu la grave d'or de Marie. Hélas, on oublie le centaure, mais le centaure n'oublie pas. La fille de Jacques V avait été bénie par son père dans une agonie sanglante. Des bûchers avaient éclairé son berceau. Le bonheur ne pouvait être pour elle qu'un intermède ironique entre deux drames. À peine avait-elle 19 ans, à peine était-elle enivrée de tous les parfums qu'on répandait sur ses pas, que la mort lui prit son époux bien-aimé, François II, et qu'un cortège illustre et brillant, mais plein de deuil et de tristesse, s'acheminait vers la mer pour reconduire à ses vaisseaux Marie Stuart désolée, qui exhalait sa plainte en temps de prière et en vers harmonieux. Le 15 août 1561, deux galères et deux vaisseaux de transport quittaient Calais. Sur l'un de ces navires, Marie Stuart, tristement accoudée, regardait les côtes de France s'amoindrir et blanchir à l'horizon. L'histoire a conservé le costume de la reine en cette circonstance. Elle avait la robe de velours blanc qui servait pour le grand deuil des reines de France. Une guimpe découpée à pointe de dentelle enveloppait son cou. Son voile empesé se recourbait au-dessus de chaque épaule. Les manches de toile d'argent étaient étroites en bas, bouffantes en haut. Sa chevelure, lisse sur la tête, était crêpée au-dessus des tempes et se rattachait par derrière avec des nœuds de ruban. Un bonnet léger lui descendait en cœur sur le front et couvrait, sans les cacher, trois rangs de perles de la plus belle eau. Un collier d'autres perles, qu'elle préférait à tous ses joyaux, ruisselait de son cou. Pauvre Marie. À mesure qu'elle voyait s'éloigner le rivage, d'inexprimables angoisses s'éveillaient dans son âme. Elle laissait en France un tombeau dans lequel dormaient avec son jeune époux tous ses rêves, toutes ses illusions, et elle allait trouver en Écosse des bûchers à peine éteints, des gibets encore sanglants. Elle quittait une cour charmante, des cœurs embrasés de son souvenir. Elle allait se heurter à des sujets sombres et défiants, à une noblesse hautaine et jalouse. On l'aimait en France, hélas, on ne la connaissait plus en Écosse. Peut-être bien, allait-on l'y haïr ? Les traversées étaient funestes à Marie. Depuis le jour où le démon du lac de Montez lui était apparu, Elle n'avait pu poser le pied sur un navire sans que quelque malheur survînt. Le Kelpie ne manqua pas cette occasion. Comme on était à quelque distance de terre, deux barques qui amenaient au vaisseau les gens de l'escorte de Marie chavirèrent. Six hommes disparurent dans les flots, l'écume jaillit jusqu'au front de la reine. Elle appela à l'aide, mais ce fut vainement. La mer ne rendit pas le low-cost, et après des efforts inutiles, on vint annoncer à Marie Stuart que l'équipage avait perdu six hommes. La royale veuve laissa tomber de grosses larmes de ses beaux yeux, et comme ses dames d'honneur l'entouraient et essayaient de la consoler, elle dit à Mary Fleming, sa favorite, « Ma foi me défend de croire au sortilège. Mon cœur me reproche de folles terreurs. Mais en dépit de mon cœur et de ma foi, j'ai vu le démon du lac enrouler ses bras autour de ses barques et les attirer au fond de l'eau. » « Ma reine, dit Marie, chassez ces illusions. Il n'y a pas de démon de Montes. Il n'y a que la colère de l'océan et la miséricorde de Dieu qui permettent la mort. « Oh, je crois en Dieu, » répliqua Marie avec exaltation, « mais je ne puis chasser cette autre croyance de ma jeunesse. » En quittant sa compagne fidèle, la jeune reine alla dans une partie retirée du navire, méditer et pleurer à son aise. On l'entendait parfois jeter des adieux mélancoliques à la France. Elle lui envoyait, sur l'aile des vents, ses plus ardentes caresses, puis elle gémissait sur les morts que son vaisseau entraînait dans le sillage, et quand l'idée du démon du lac revenait à son esprit, elle évoquait tous les souvenirs de son enfance et comparait la triste reine qui retournait veuve en Écosse à la petite fille qui était allée chercher en France des joies fugitives avec des regrets éternels. La reine croyait du moins à l'éternité de sa douleur. Mais Marie Stuart était de ces natures altérées qui absorbent les larmes comme le sable brûlant du désert absorbe la rosée et qui n'ont jamais fini avec les tentations de la terre et les enivrements du cœur. Elle était sincère dans son désespoir. Dans ses vers, que tout le monde sait, « Adieu, plaisant pays de France, etc., etc. », elle avait cru exhaler tout ce qui lui restait de passion dans l'âme. Lors de cette traversée, en présence de ce rivage bien-aimé qu'elle quittait pour toujours, après cette scène de deuil qui l'avait profondément remuée, elle croyait de bonne foi à l'impossibilité de retrouver jamais son sourire de reine et sa gaieté d'enfant. Mais elle devait passer bien des fois encore par ces violentes alternatives de joies insensées, de désespoir terrible. Donc, la traversée fut triste. Marie pleura beaucoup. Elle avait dit au timonier de l'éveiller au point du jour, si l'on apercevait toujours les côtes de France. Le vieux marin n'oublia pas cet ordre, et Marie salua une dernière fois, aux lueurs du matin, les rivages de sa patrie adoptive. Puis, tout disparut, l'horizon devint infini, et la reine se trouva seule avec ses regrets, entre le ciel et la mer. On arriva un dimanche matin, mais un brouillard épais empêcha le débarquement, et ce ne fut que le lendemain, 19 août 1561, que Marie Stuart posa le pied sur la terre d'Écosse.